Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. À marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1968. Quelle claque! Un pastiche des Beach Boys pour ouvrir ce double album, il fallait oser. Et cette pochette immaculée dont tout le monde parle, entièrement blanche, juste avec une inscription « The Beatles » en relief. Un an après la luxuriance de Sgt Pepper, c'est radical. Il faut dire qu'en ce moment, tout le monde sort son concept album. Après les Who l'année dernière et leur disque façon fausse émission de Radio Pirate, après le Pet Sound super bruitiste des Beach Boys, après cette cathédrale psyché, le double album d'Hendrix, Electric Ladyland, les Beatles viennent de tuer le rock game. Ils sont allés contre leur propre concept album. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club. Trente titres qui n'ont rien à voir à ce point, c'est littéralement inouï. Du jazz de salon, du blues sale, du rock hurlant, des comptines scandaleuses, des ballades folk, des mini-films, Rocky Raccoon. Du musical, des expériences à la John Cage. Mais où vont-ils? C'est la question que j'ai posée à Nicolas Saada, cinéaste et Beatles maniaque, qui m'accompagne dans ce voyage. C'est une œuvre totale qui n'est jamais totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours d'écrasant dans le désir d'œuvre totale. L'idée que pour se faire entendre, un artiste doit écraser l'autre, écraser le public, écraser l'auditeur, écraser le lecteur, avec soit du dispositif, soit une forme de brutalité, soit une forme de hauteur formelle, comme ça, qui peut être très intimidante. Donc ce qui est génial dans ce disque, c'est que c'est sans doute une œuvre totale, mais en même temps, quand on l'entend, on a l'impression qu'il est en train de se faire quand on l'écoute. C'est presque comme un documentaire sur eux en train de le faire. Donc c'est un disque unique, parce qu'il n'a pas vraiment de lien, il n'a pas vraiment de thème, si ce n'est cette idée que on a l'impression d'être dans un lieu où il y a un nombre insensé de pièces avec des couleurs, des ambiances, des climats différents à chaque fois. Cela n'aura échappé à personne. À l'intérieur de la pochette blanche, les Fab Four ne posent pas en groupe, mais en portrait individuel. Et c'est exactement ce qui s'entend dans le disque. Quatre sensibilités qui se croisent et s'autonomise. Cet album total ne s'est pas fait à l'unisson, d'après ce que m'a confié Paul McCartney. Pendant l'enregistrement des autres albums aussi, il y avait eu des tensions, mais jamais nous n'avons atteint ce degré-là. Il faut dire que nous étions juste en train de sortir de cette période psychédélique. Et en tout cas, l'atmosphère était étrange. Il y eut beaucoup de friction pendant cet album. Alors, retour en studio, en novembre, les Beatles étaient déjà en scission. Mais là-bas, 9 mois plus tôt, il a dû se passer quelque chose. Un peu de méditation transcendantale, des guitares et zéro drogue. Apparemment, ça leur réussit encore mieux que les délires psychédéliques. En fait, on se regarde jamais proche. Ouais. Chacun rit pour lui. Ouais. Vous comprenez pas? Vous êtes à l'intérieur. Ouais. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un demi-siècle plus tard, c'est que plus qu'un disque révolutionnaire comme Sgt Pepper, l'album blanc des Beatles est une révolution. Oui, je manifeste parce que je pense que ça peut avoir un effet. Les protestations contre la guerre du Vietnam, les barricades de Paris, le point levé façon Black Panther de Tommy Smith au JO de Mexico. En 68, le fond de l'air était rouge. Et dès février dans leur ashram, les Beatles l'ont capté. Mais le White Album porte aussi, en son sein, toutes les révolutions musicales à venir. C'est vrai que leur force, c'est effectivement de ne pas s'inféoder à un genre musical. Donc, on dit rock, on dit pop, moi je dis musique, surtout. C'est vraiment de la musique, avant toute chose, l'album blanc. Et c'est de la musique avant toute chose, justement parce qu'il n'y a pas cette dépendance au genre musical. Et comme il n'y a pas de dépendance au genre musical, ils savent tout faire. Et dans ce fait tout du disque, il y a effectivement beaucoup de promesses de choses qui ont suivi dans la folk, dans la world music, dans le rock, dans la soul. Il y a plein de petites pépites qui après ont créé presque des sous-genres et des sous-groupes. Mais ce disque-là, il invente quelque chose qui est une sorte de technologie de la musique. C'est l'idée que la musique, on peut lui donner une consistance, une dimension qui est comparable à ce qu'apportent les effets spéciaux à un film. Le Revolution No. 9, c'est un peu l'extrême de ça. Ça devient une espèce de collage un peu étrange. Mais dans les autres morceaux du disque, particulièrement Piggies ou même Rocky Raccoon, il y a quelque chose, ou Blackbird avec l'oiseau, il y a cette expérimentation sur la matière sonore de la musique. C'est la musique plus la matière sonore. Et donc de ce point de vue-là, ça annonce quoi? Ça annonce tout ce qui s'est passé après avec le sample. La preuve, en 2004, le producteur Danger Mouse a bien fabriqué le totem The Grey Album, rencontre du White Album des Beatles et du Black Album de Jay-Z. Au fond, ce qui s'est produit, c'est la matrice d'une musique conçue comme universelle, l'explosion des chapelles, des étiquettes, voire des couleurs supposées de la musique. Je pense même pas, je n'arrive pas à imaginer qu'il se passe autre chose en musique que dans ce que j'écoute là. Donc ça, c'est très, très, très rare. Dans l'histoire des arts, ça arrive une fois par siècle, peut-être maximum, quoi. C'est comme un musée, l'album blanc. On a l'impression qu'on voit tous les âges de la musique exposés dans un musée qui serait ce disque. Au vrai, le White Album devrait être classé au patrimoine de l'humanité.